c'est l'heure de gloire. Les cendres deviennent flammes, la terre s'entaille, s'ouvre un souffle de bouc. Réveil de phénix de sa tombe debout. Au groupe les troupes, le monde s'écroule face à mon pavillon. La lave coule, recouvre les fourmes. Pour mes guerriers, un bon atout, j'ai tout perdu, plus de sentiments. Mes ailes d'argent s'ouvrent immense, elles sont crâmes opposant. Atmosphère fumant, sable mouvant, les sabres en mouvement. Tu sais qui donne le ton dans le chaos. Quand il funèbre, la terre enseigne même, c'est ça même. Le phénix renaît, souffrance éternelle. Les ponts deviennent des brutes sans cervelle. Et ça sans regret, c'est t'es plus de la fin, c'est mon ordre de gloire, c'est qui peut le feu du ciel. Le globe s'interne en immense cimetière. Ma force, ma souffrance, source de sentence. Renaissance d'une âme obscurcie par l'impureté. La sang traversée, tu sais que c'est l'heure de gloire du COLORE. La roue tourne, Roya, crois-moi, ça va changer. À la recherche d'un idéal, je peux m'empêcher d'être sur un nuage. Entrevoir une vie sans dommage avec présage. Être à la page des âges, façonner son personnage à son image. Rester toujours en face avec soi-même, en fait tout de même. Éviter les magouilles, les embrouilles. Suspicion, copie, mensonge, toujours les mêmes choses. Les mêmes braquages, les mêmes carnages. La misère au quotidien, pression sociale autour des liens. Il est, même si ça te choque, leur cœur s'entaille. Concentration d'un bloc. Tu veux savoir quelle heure il est, même si ça te choque, leur cœur s'entaille. Concentration d'un bloc. Tu sais ce que c'est, tout le monde court derrière et parfois on prend des risques et sans être sûr que ça va payer. On peut payer ou bien braver le destin pour un festin, même bref, mais putain, pas pour rien. Y'a qu'un essai et on refait pas sa vie, comment on fait des seins. C'est pourtant la même scène et j'y coupe pas, je cours, je freine pour éviter le coup bas. Comme ma scène, chaque jour je me démène, fais le sourd, ça me sert, mais tu le sais pas, je tape à la pression. Je m'en fous, je marche que sur mes pas. Les sexes en action, en faction, au carrefour de la chance, beaucoup attendent la leur. La mienne est passée vite, je pars d'une veine, y'avait même pas de contrôleur. J'ai sué sang et eau pour ça, fais des trucs pas beaux pour ça. Mais je reste droit comme un cyprès, et crois-moi, je m'en irai comme ça. Tu le sais, c'est ma quête suprême, et t'avises pas de t'en mêler. Ou alors t'as peur de rien, c'est bien, mais si t'as de bonnes baskets, mêlées. Laisse pas tes fesses sur la route, oui, va t'en coûter. Si t'as écouté, y'a plus de doute fixe, maintenant tu sais quelle heure il est. Tu veux savoir quelle heure il est, la même si ça te choque, la terre s'entaille. Tu veux savoir quelle heure il est, même si ça te choque, la terre s'entaille. Concentration d'un bloc. J'entends des mois, je veux pour devenir comme petit, ça va. Mais là ta position ne change pas, je demande à voir. Pour moi c'est naze, c'est pas l'extase, c'est chaud. Je me suis juré de tout défier au corps à corps. L-Y-O-N, Mars à bord. Inutile d'en dire plus, on n'attend pas les yeux. Je ne savais toujours pas pourquoi il me fallait autant de temps, pourquoi le but est pendre, mettre des gants pour ne pas blesser, de peur de ne pas gérer pour le peu. Désespoir qui s'efface, ne jamais céder, regarde mes yeux. On ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas, mon vieux m'a toujours dit taf. Moi j'ai préféré le graphe, la musique, maintenant je n'aime que ça, courir pour ça. La compétition, disons, j'avivrai jusqu'au bout. Me menace pas, c'est déjà assez dur comme ça. Regarde ces jeunes qui essaient de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'ils sont comme bien souvent sur pause. Oh, choisis ta cause, chose que toi seul peux comprendre, apprendre, plus en plus te défendre. Voilà ce que je vois. Tu veux savoir quelle heure il est, même si ça te choque, la terre s'entaille. Concentration d'un bloc. Tu veux savoir quelle heure il est, même si ça te choque, la terre s'entaille. Concentration d'un bloc. Tu veux savoir quelle heure il est, même si ça te choque, la terre s'entaille. Concentration d'un bloc. Tu veux savoir quelle heure il est, même si ça te choque, la terre s'entaille. Concentration d'un bloc. La terre s'entaille. Mars, Lyon, dans l'air.